Identité Radio. 106.5. Vacances avec Identité Martinique, la radio pays. Écoute ce hit. Écoute ça, c'est 100% vacances pays. Identité Martinique, 106.5. Depuis 4 du matin, enlevé du cabane là pour préparer comme moi. Allez vendre ma chandise moi. Ni longtemps mon café ça, mais ça va. J'ai passé bon moi, tout n'est d'être pour garder moi, mais c'est dans y'a la planète. Aussi nous t'es j'en connaître, maman de qui ça il est, sans réponse, si y'a t'es moi, maman c'est toi, c'est moi. Le besoin pas vrai, non, maman pas femme facile, pas compter assis ça. Chercher ça fait, et puis moi, qu'une en belle remise, que ça va les bords. Non, mais pas femme facile, pas compter à tout ça. Si vous cherchez ça fait, et puis moi, hey, qu'une en belle remise, que ça va les bords. Pas pour vous qui casse, je t'aime. C'est pas pour vous qui casse, toi, c'est moi. des vacances, couleur pays. Une solution, l'appli Identité Radio Pays. Disponible partout dans le monde. Identité Radio, c'est 100% vacances pays. Carrosse, tu connais. Montre-moi les faits, les bad, les bad, bad. Back it up, m'gal. La piraterie, c'est du chata, non, c'est pas du compas. Back it up, m'gal. La piraterie, les bad, bad, bad. La piraterie n'est jamais finie. La piraterie n'est jamais finie. La piraterie n'est jamais finie. La piraterie n'est jamais finie. Car au gamma coupé coupé par les choses à moi. C'est big pour des machines. Café nous j'ai un sac en roulé n'a un bon on les fait La base est d'as le son les dents. Si vous comptez moi soit les cieux nous dents. Café ne faut pas que vous fait semblant. Avant la sortie les cieux coulaient dans mes plans. La piraterie n'est jamais finie. La piraterie n'est jamais finie. Oh, yeah. toujours sous un pied nous. On connecté à bon Dieu nous. Il est bon lever voir nous. Pour qu'elle n'a fait des voix nous. De trop sous un pied. Nous pas aimer nous-mêmes. Connecté à bon Dieu nous ne pouvons pas blécoumer, nous plus rêver parti. Faux dirigeants, mais t'as grandi au chaque pont si bâti. Nous chargez frère, nous quatre points, nous le cap passé mati. Nègre, ça me fait mon quitter Kayal bâti, Timazi. Chis qui l'en a bon, foot team qui l'en a grand. Haïti qui est trois fois petit, nous besoin nègre grand. Nous fait mon pays pour des ans, pour nous tous yon président. Nous récits fait mon frontière pour trois jours, nous t'y est militant. Si 10 000 gouttes fait changer bon, vous qui créez mouvement. Ça dit le guerre, son pas guettol, mettez le coup du mouton. Nathan Canada, USA, vient mettre la paix pour nous. Pas qu'à léger nous. Identité radio en Martinique, 106.5. Écoute ça, c'est 100% vacances pays. Identité Martinique, 106.5.